Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107 FM. Nous sommes le mercredi 24 mars 2021, il est 14h01, nous sommes ensemble jusqu'à 15h, nous sommes en direct, c'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission quotidienne proposée par Radio Gémozo intitulée Fréquence Libre. Je rappelle rapidement le principe, il est très simple, chaque lundi, chaque mardi et chaque mercredi, je reçois un ou une invitée pour qu'il ou elle puisse nous parler de ce qu'il ou elle fait, que ce soit au niveau du métier, des passions ou autre. Et aujourd'hui, ce n'est pas un, mais deux invités que je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont, Dylan et Chloé, graphistes et webdesigners, qui sont venus nous parler de ce que sont et de ce que font les graphistes et les webdesigners. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va, merci. Bien. Nickel. Donc tout d'abord, nos auditeurs et nos auditrices sont habitués, je pose toujours cette question en premier, afin qu'ils et elles puissent déjà vous connaître un petit peu, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour, je m'appelle Chloé Apostel, donc moi je suis graphiste et j'aime l'art plastique depuis toute petite. Donc bonjour à toutes et à tous, moi c'est Dylan, j'ai 26 ans et je suis un boulimique de projet. Et donc je suis web designer et voilà. Ok, nickel. Donc, comme je l'ai annoncé en introduction, vous êtes donc, et comme vous l'avez dit, graphiste et webdesigner. Donc, avant d'approfondir un petit peu, pouvez-vous définir rapidement les métiers de graphiste et webdesigner? Un graphiste, ça crée les identités visuelles d'une entreprise. Donc, d'accord. Que ce soit le logo, les cartes de visite, les cartons d'invitation, les affiches. Mais également quelques petits projets, tout ce qui est informatique, comme les maquettes du site internet. Et puis un graphiste va travailler dans une agence de communication. Ok. Ou un studio d'animation pour créer des dessins animés. D'accord, ok. Ouais, c'est très complet du coup, ok. C'est ça, oui, il y a beaucoup de graphistes différents. Okay. Et le web designer du coup? Donc en fait le métier du web designer, il arrive donc en amont des développeurs web. En fait, il va aussi un peu travailler sur les maquettes, mais il va aussi pouvoir faire de l'intégration pour on va dire préparer le terrain pour donc les développeurs front-end. Il va travailler tout ce qui est responsive pour qu'un site internet soit aussi lisible sur portable, sur tablette. Donc voilà, c'est un peu un ergonome du web si on peut dire. OK, nickel. Donc du coup, de vous deux, toi Dylan, tu es plutôt orienté web design et toi Chloé plutôt graphisme. Donc est-ce que vous avez toujours été attiré par ces domaines de graphisme et de web design ou est-ce que ces passions ne sont-elles venues qu'au fur et à mesure du temps? Alors me concernant, moi en fait depuis toute petite, j'adorais déjà faire des packaging, donc tout ce qui est emballage d'objets ou même créer des jeux de société et j'adorais déjà dessiner ou créer des affiches. Enfin, ce qui m'intéressait déjà à cet âge-là, c'était tout ce qui est print en fait, tout ce qui est imprimé, les supports à imprimer. Ok, d'accord. Et donc pour moi en fait c'était pas forcément un métier web designer au début que je connaissais et en fait suite à des études aussi en marketing, je me suis dit qu'est-ce qui travaille avec le marketing et le web designer peut aussi travailler en termes de marketing. Et en fait j'ai toujours aussi été attiré par tout ce qui est création, que ça soit aussi dessin animé mais aussi de l'écriture de texte comme de la poésie, tout ça. Donc j'ai toujours eu une âme créative en quelque sorte et ce métier me permettait en fait de coupler cette partie marketing, faire décoller un business en même temps que la partie créative. Ok. Donc, quels ont été vos parcours scolaires? Est-ce que vous avez fait depuis tout jeune, on va dire, des études là-dedans ou est-ce que c'est venu après avec le temps? Alors, malheureusement, moi, je n'ai pas commencé les études. À défaut, en fait, il n'y avait plus de place dans l'école. Du coup, je me suis dirigée vers l'art culinaire en pensant que c'était vraiment un travail artistique. Mm-hmm. Mais au final, pas vraiment. Enfin, okay. Je me suis rendu compte que finalement, depuis toute petite, je voulais être graphiste, en fait. Puis à l'heure d'aujourd'hui, j'ai fait une formation par correspondance, en tant que graphiste. Et aujourd'hui, bah, j'aimerais vraiment trouver du travail, mais dans une agence de communication. Et j'aimerais m'améliorer dans le métier, en fait. Parce que là, je vois qu'à l'heure d'aujourd'hui, il ne faut pas seulement du print, il ne faut pas seulement des supports imprimés, mais il faut aussi des supports numériques. Donc là, voilà, j'ai besoin de refaire une formation, mais plus dans le numérique. Oui, parce que de nos jours, le numérique, il prend vraiment presque toute la place, contrairement à il y a des années, du coup. Bah, les entreprises d'aujourd'hui ont besoin d'être visibles partout. Hein. Mm-hmm. Puis notamment maintenant, YouTube, ça devient vraiment... c'est très présent, YouTube. Hein. Ok, d'accord. Et toi, du coup, ton parcours, Dylan ? Et donc, moi, en fait, j'ai commencé avec des études d'hôtellerie-restauration. J'ai eu un bac pro en commercialisation et services en restauration. Ensuite, je me suis orienté vers un BTS en gestion et management, donc des entreprises hôtelières. Et c'est là que j'ai découvert le marketing. Et ensuite, je voulais un peu plus foncer dans le marketing, mais j'ai découvert aussi que le côté créatif m'animait toujours, hein, depuis mon jeune âge. Donc, je suis parti dans une formation aussi de graphiste. Et après, j'ai mené une réflexion. Je me suis dit, ok, graphiste, tu fais du print, mais on a aussi besoin du web aujourd'hui, donc comme ce que Chloé nous disait tout à l'heure. Donc, j'ai fait le choix de partir sur un BTS en designer web et je continue à me former en permanence, hein, pour être au top et essayer de répondre au mieux à la demande de la clientèle. Ok, justement, donc pourquoi vous êtes-vous orienté spécifiquement dans ces domaines ? En d'autres termes, pourquoi toi, Dylan, tu as pris la décision de t'orienter davantage vers le web design ? Et pourquoi toi, Chloé, tu as pris la décision de t'orienter davantage vers le graphisme ? Est-ce que c'était là pour une recherche de complémentarité ? Au départ, non. Enfin, on a même fait tous les deux des études de graphiste, en fait. D'accord. Moi, c'est vraiment parce que je me suis rendu compte que voilà, que c'est vraiment depuis un long moment, enfin depuis très longtemps, que j'adore l'art plastique, en fait. J'adore dessiner, que ce soit même prendre des photographies. Et je me suis dit, il faut que je me forme là-dedans. Et puis, en fait, j'avais peur que de nos jours, on ne puisse plus vivre d'un métier artistique. Mais en fin de compte, ça existe encore. Hein. Mais voilà, il y a certains métiers comme peintre ou illustrateur, c'est un petit peu plus compliqué, où il faut travailler dans un studio d'animation. Voilà, enfin... J'étais pas correctement informée, on va dire. Du coup, je connaissais pas les métiers plastiques, les métiers artistiques, en fait. Hein. Ok, d'accord. Et toi, Adeline, pourquoi plutôt le web design ? En fait, en soi, comme je l'ai expliqué plus tôt, c'est vraiment pour être complémentaire avec ce que je savais déjà faire en graphiste. Mmh. Et ensuite, en fait, ça nous a amené avec Chloé à être complémentaire, hein, dans la vie de tous les jours, mmh, en termes elle plus graphiste, qui a vraiment une belle patte créative. Et moi, je l'appliquais en fait dans les sites web, etc., avec tout ce qu'elle pouvait me donner en idée de design, etc. Et puis, on travaillait aussi en commun sur certains projets. On se donnait des idées pour des logos ou même pour des sites internet. On devrait faire plus comme ça, comme ci. Donc, au final, on est assez complémentaires, si on peut dire, dans le métier. Et en fait, c'est tous les métiers de la com, hein. Un graphiste est complémentaire avec un web designer qui va être complémentaire avec un développeur, etc. Donc, je pense que la complémentarité, en fait, ce qui a fait qu'on s'est bien trouvé sur ça en termes professionnels, c'est qu'on a su être complémentaire et puis pouvoir proposer des services de qualité. Ok. D'ailleurs, pour un peu plus rentrer dans le sujet, je crois savoir que toi, Chloé, parce que j'ai fait mes recherches en amont de cette émission, en préparant mes questions, bien sûr, je crois savoir que toi, Chloé, tu as une certaine connaissance des couleurs. Donc, peux-tu nous en dire plus sur cette connaissance de couleurs et sur les couleurs en général ? Après, il y a un exemple qui est vraiment très bien, c'est d'un graphiste nommé Solbass. Mmh. Lui, donc, il travaille énormément donc, avec les couleurs, il adore ça, il en met plusieurs. Et pour bien maîtriser les couleurs, moi je sais que de mon côté, j'ai un style graphique où j'utilise beaucoup les contrastes. D'accord. Après, on voit tous ça en art plastique, hein, le fameux cercle chromatique. Bien sûr. Avec les couleurs chaudes et les couleurs froides. Et les couleurs chaudes sont sur les couleurs froides. Enfin, c'est comme ça qu'on fait du contraste, en fait. Et c'est ce qui marche. Enfin, ce qui marche le mieux aujourd'hui, ça reste vraiment la simplicité de l'identité visuelle, en fait. Et c'est pour ça que les couleurs, c'est vraiment hyper important. Ok. Donc, justement, en tant que graphiste, il faut avoir une, faut connaître presque le cercle chromatique par cœur. Oui. Oui, okay. Bah oui. Les couleurs aussi, la signification des couleurs, il faut savoir par cœur. Ok. Et toi, Adeline, tu souhaites, en faisant mes recherches, pareil, j'ai trouvé que tu souhaites rechercher l'impact avec un minimum d'éléments. Oui. Donc, que veux-tu dire par là? Bah, tout d'abord, je vais juste un peu compléter sur les couleurs. Comme on dit, il y a des symboliques et en fait, et en termes de marketing, etc., vous allez avoir des réactions. Si vous mettez, par exemple, telle couleur sur tel bouton, vous allez peut-être avoir plus de conversions sur un site e-commerce, etc. Donc, mais aussi la symbolique et l'effet sur la psychologie donc du client. C'est pour ça qu'en tant que graphiste, le cercle chromatique est incontournable et la symbolique des couleurs aussi. Ensuite, pour revenir à ce qu'on disait, je cherche l'impact avec un minimum d'éléments. En fait, je cherche à mêler technicité et finesse. En fait, l'objectif, c'est, comme on a dit plus tôt, c'est avoir un maximum d'impact avec peu d'éléments. Moi, j'ai une patte créative qui est assez féminine, donc j'aime les choses assez légères, mais je cherche toujours l'impact avec une couleur dominante, etc. Et c'est ce qui amène, en fait, à avoir des sites internet ou des identités visuelles quand on travaille en collaboration avec Chloé, qui sont impactantes et qui répondent donc à la demande de la cible et du client pour lequel on travaille. Ok. Donc, il est 14h, presque 14h13. Donc, avant de poursuivre, je vous propose de nous lancer tout de suite dans une première fréquence, comme j'aime à l'appeler, dans une première pause musicale que vous avez choisie et que nous écoutions la chanson Mesdames du célèbre slammer Grand Corps Malade, tirée du 7e album studio de Grand Corps Malade, album éponyme, sorti le 11 septembre. Ah, les aléas du direct. Donc, j'utilisais tiré du 7e. C'est un bon coup. Oui. Tiré du 7e album studio de Grand Corps. Bon, on en parle après, parce que là, je peux plus. Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation. Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtil, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur, pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ceux sans sourciller. Celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. Nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme. Vous êtes de retour sur Radio Guémozo. Vous êtes toujours en direct sur le Sens.net FM ou sur nos applications Radio Line ou Orange Radio. Vous venez d'écouter Grand Malade avec son titre Mesdames, donc tiré de son 7e album studio, album éponyme, donc intitulé Mesdames, sorti le 11 septembre 2020. Donc vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route. Si c'est le cas, évidemment, soyez prudents. Et nous sommes toujours en compagnie de Dylan et de Chloé, graphistes et web designers. Ça va toujours ? Oui, très bien. Nickel. Donc nos auditrices et nos auditeurs sont habitués. J'aime beaucoup poser cette question à mes invités, car je le répète, dans mon émission Fréquence Libre, je laisse toujours mes invités choisir les pauses musicales à passer pendant l'émission, afin que l'émission en question leur corresponde le plus possible. Donc je vous pose la question. Il me semble d'ailleurs que c'est toi, Adeline, qui a choisi cette pause musicale. Donc tout simplement, pourquoi avoir choisi la chanson Mesdames de Grand Malade? Ok. Oui, tout à fait. Donc c'est moi qui ai choisi cette chanson parce que je trouve que c'est une super belle chanson, qui déclare ce qui se passe aussi dans la société actuelle. Malheureusement, les femmes aujourd'hui sont encore trop dénigrées, trop mises de côté, alors qu'elles ont un sacré caractère, elles ont beaucoup de choses à apporter et on leur doit beaucoup aussi parce qu'on est tous nés d'une femme. Et en soi, je voulais profiter plutôt de cette pause musicale pour mettre les femmes sur le devant de la scène. Trop souvent remis en arrière. Ok, très bien. Donc, nous allons reprendre cette émission. Donc, Dylan, si tu devais décrire ton savoir-faire, comment le décrirais-tu ? Ok. En fait, en termes techniques, je cherche surtout que le site internet soit super bien sécurisé, mais aussi, comme je disais, donc mêler finesse et impact. Mais aussi, ce qui joue beaucoup en tant que web designer ou en tant que graphiste, c'est qu'au final, il faut comprendre la demande du client. Et des fois, il faut savoir un petit peu aller gentiment en confrontation contre lui et puis lui montrer ce qu'il a besoin et pas forcément ce qu'il veut. Parce que des fois, certains entrepreneurs veulent ce logo ou ce site internet parce que c'est beau, mais ne répondent pas forcément à la demande du client. Donc en fait, mon objectif, c'est aussi donc faire part à la psychologie pour essayer de comprendre au-delà de la demande du client ce qu'il souhaite vraiment. Ok. Et donc toi, Chloé, en tant que graphiste, tu dis que tu souhaites créer des visuels impactants et forts de sens. Donc qu'entends-tu par là ? Le but d'un graphiste, ça reste d'être que l'entreprise elle soit visible donc partout, même à l'étranger. Et puis il faut bien cerner la demande du client en fait, parce que si c'est visible pour l'étranger, ça sera pas les mêmes couleurs que si c'est visible juste pour une seule région. D'accord. Nous en tant que graphistes, on a beaucoup de questions à poser aux clients, et puis ça peut même leur faire peur en fait au début. Mais il ne faut pas avoir peur, c'est vraiment pour connaître l'entreprise, connaître vraiment son identité, pour que nous, derrière, on puisse répondre au mieux donc, aux besoins donc, de cette clientèle-là. Parce qu'en fait, comme dit Dylan, c'est vrai que des fois, les clients, ils veulent vraiment, par exemple, mettre la couleur rose parce qu'ils adorent le rose, mais... Ou n'importe quelle autre couleur, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut, en fait, avec les identités visuelles. Parce qu'après, nous, notre but, ça reste que l'entreprise, elle puisse en vivre aussi derrière. Bien sûr. L'entreprise qui se crée, elle a besoin d'en vivre. Donc nous, c'est pas, on ne veut pas être en confrontation avec nos clients. Ce qu'on veut, c'est que leur entreprise fonctionne, qu'ils aient des clients qui satisfaient leurs clients à eux, qu'ils arrivent à vivre de ça. Ok. Et donc, juste pour compléter, comme et c'est assez intéressant au niveau des couleurs, tu dis oui, en fait, selon les pays, etc., il ne faut pas les mêmes couleurs, parce qu'il faut savoir que dans certains pays, une couleur a peut-être une signification en français, mais a une signification tout autre dans un pays extérieur. Donc c'est pour ça qu'il est important aussi de savoir la visée du marché, si c'est un marché régional, national, si c'est un marché international. On ne pourra pas utiliser les mêmes codes couleurs et les mêmes formes, etc., qui peuvent véhiculer des sens différents selon les pays. Donc c'est pour ça que, en fait, c'est important de connaître toute la symbolique des couleurs, mais aussi la symbolique des formes, etc. C'est un métier qui est très complet, le graphisme, et c'est pour ça que c'est un métier que j'admire beaucoup, et Chloé le fait très bien d'ailleurs, et c'est pour ça que, voilà, c'est énormément de connaissances, et c'est pas juste faire un gribouillis ou une petite forme sur un papier. C'est vraiment tout retranscrire l'ADN. Ouais, c'est ça, c'est retranscrire l'ADN d'une entreprise, la réflexion qu'elle veut transmettre à son marché. Ouais, donc, ouais, c'est tout un travail en amont avant de passer à l'acte, en fait, passer à l'action. C'est ça, il y a énormément d'étapes. Hein, que c'est pour ça qu'un graphiste, il doit avoir énormément de connaissances quand même au niveau artistique. Il doit connaître. C'est pour ça qu'il doit connaître l'histoire des arts, en fait, hein, de tous les artistes qui puissent exister, enfin voilà, que ce soit Van Gogh ou toutes sortes d'artistes, parce qu'on va s'en inspirer aussi derrière. D'accord. Pour créer, et un graphiste doit vraiment savoir dessiner, par contre, hein, c'est important. Mm-hmm. Il sache faire même des croquis très rapides, très rapidement devant ses clients qui lui disent donc tu aimerais quelque chose de comme ça. Ok, ah oui, d'accord. Donc, je suppose que pour pratiquer ces activités de web design et de graphisme, il est nécessaire, voire même impératif, de se former en permanence ou presque. Oui, oui, c'est important de se former en permanence, oui. Parce que, par exemple, les logiciels graphiques qu'on utilise sont sans cesse mis à jour. Donc, ce qui fait que d'accord, le logiciel, ouais, il va changer, mais tout le temps. Alors même là, donc, il va falloir apprendre le logiciel constamment, quoi. Donc faire des tutoriels avec YouTube, tout ça. Et derrière aussi, chaque année, la mode, ça change aussi. Par exemple, cette année, les couleurs à la mode, c'est le gris et le jaune. Ok. Puis l'année dernière, c'était le rose. Ah oui, d'accord. Donc ça va changer au fur et à mesure, parce qu'il y a des entreprises, ils changent sans cesse. Enfin, ils changent sans cesse leur. Enfin, leur communication, elle est variée par rapport donc aux années. Ok. D'ailleurs, vous y avez un petit peu répondu tout à l'heure, mais si vous pouvez développer un petit peu, vous est-il déjà arrivé de travailler tous les deux ensemble pour telle ou telle création, tel ou tel site internet ou autre ? Oui, en fait, pratiquement tous les jours, en fait, on était freelance avant. On avait une entreprise qui s'appelait Grenacom. Mm-hmm. On a eu la chance de travailler aussi avec le Canada, avec une avocate qui se situe à Paris, aussi d'autres projets un peu plus locaux. Et donc, on a touché un maximum de personnes, on va dire, différentes, de différentes professions. Et ce qui fait qu'on a été amené aussi à travailler de façon complémentaire sur des projets. Par exemple, pour le site d'une avocate, Sabrina Gapteni, Chloé, elle a travaillé pour tout ce qui est les couleurs, mais aussi le logo, l'identité visuelle, etc. Et moi, j'ai réalisé le site internet, ou encore pour l'arbredelumière.com de Estelle Blau, donc qui est plus magnétiseuse, etc. Plus dans les, on va dire, dans les médecines, comment on peut dire ça, les médecines différentes, en fait. Alternatives. Voilà, alternatives, oui, merci. Et donc Chloé, elle a fait un super travail avec un logo qui correspondait bien à l'ADN de la marque. Et moi, j'ai réalisé un site internet avec possibilité de réservation de soins à distance ou sur place. Donc on est très complémentaires quand même dans le travail. Donc voilà, tu veux peut-être rajouter quelque chose, Chloé ? Non, c'est vrai qu'on est très complémentaires dans le travail, en fait. Hein. Puis après, on va avoir un échange, il va avoir des idées, je vais avoir des idées, on va mélanger nos idées, et puis après, ça fait une super idée, en fait. Hein. Ok, très bien. D'ailleurs, je me suis un petit peu, comme je le disais tout à l'heure, renseigné en amont de cette émission en préparant mes questions, et j'ai appris que vous réalisez du coup des identités visuelles, des prints, que vous travaillez sur le web, sur la signalétique, sur de la création textile ou encore sur des goodies. Donc pourquoi avoir pris la décision de vous orienter sur toutes ces possibilités, sur toutes les fonctionnalités? Diriez-vous que c'est un tout et que vous ne pouvez pas forcément faire telle chose sans faire autre chose? Je sais pas si je suis très clair, mais... Faire telle chose sans... Oui, sans faire autre chose, par exemple... est-ce qu'on pourrait faire que du goodies ou est-ce qu'on pourrait faire que du logo ou est-ce que le tout est lié et c'est pour ça qu'on a proposé tous ces services en... Voilà. Bah, je te laisse un peu développer si tu veux, Chloé. Oui, donc après, on propose donc toutes ces supports de communication parce qu'une entreprise, donc comme je le disais, a besoin d'être visible donc partout, hein, que ce soit sur le web, donc sur Internet ou dans la rue, hein, une affiche. Donc c'est pour ça que l'identité, elle démarre donc du logo, et c'est pour ça qu'un logo c'est super important parce qu'il va se retrouver donc partout, hein, même sur le site internet, et même en tout petit, il peut avoir que 2 mm, hein, le logo. Donc c'est pour ça que le logo c'est vraiment l'élément le plus important, et il y a une grosse réflexion là-dessus. D'accord. Et les goodies, tout ça, oui, c'est important parce qu'il suffit qu'ils fassent des événements. Il suffit que l'entreprise ait envie de faire un événement. Elle va faire imprimer sur des supports tels que des gobelets. Mm-hmm. Comme ça, ses clients, ils verront sur le gobelet des publicités. En fait, la publicité de l'entreprise ou le logo de l'entreprise. Puis après, ils vont peut-être garder le gobelet. Enfin, ils vont s'en rappeler, quoi. Ok. Et donc, un logo, c'est super important sur le fait que, et puis il doit être perçu sur 2 mm, etc., que ce soit sur portable, que ce soit sur tablette ou même sur écran de télévision, des fois, hein, parce que des fois, on peut aussi aller sur Internet avec une télé. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais juste rajouter ça, on a des logos responsives et Disney, hein, Disney a un bel exemple, en fait. Le logo de Disney, hein, vous le voyez à peu près tous. Et en fait, sur portable, c'est juste un dé, par exemple. Et ce qui fait qu'on garde la symbolique tout en le minimisant et en enlevant des éléments. Mais ça permet toujours de garder le sens du logo tellement il est bien fait, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important, hein, d'avoir un bon logo, hein, comme tu disais. Et ensuite, j'ai oublié le reste de la question. C'était... je ne sais plus. Bah oui, en gros, c'était... Est-ce que vous diriez que c'est un tout, que vous ne pouvez pas forcément faire telle chose sans faire autre chose? En gros, comme tu disais, est-ce que tout est lié ou est-ce que vous pouvez très bien faire que du goodies, que des logos, que des sites internet, etc.? Après, en soi, on a des clients qui voulaient juste un logo, parce qu'ils avaient déjà un site internet, ils voulaient donc juste redesigner le logo. Il y en a, ils voulaient juste restructurer leur site internet. Donc ça va dépendre, on peut aussi faire séparément, mais on peut aussi travailler sur toute la longueur, donc de la réalisation du logo jusqu'à le goodies, en passant par le site internet, etc. Donc c'est vrai que, en fait, on peut travailler aussi bien sur un élément ou sur tous à la fois. Hein. Tout va dépendre aussi de la demande de la clientèle. Ok. D'ailleurs, beaucoup de personnes, c'est triste à dire, mais c'est vrai, beaucoup de personnes préfèrent tout faire par eux-mêmes par peur de devoir débourser une somme plus ou moins conséquente pour déléguer à un professionnel au risque que ce qu'eux y font, ce n'est pas forcément de la super qualité. Donc je suppose que vous avez déjà entendu cette phrase « Je peux pas, c'est trop cher, je fais tout moi-même », etc. Donc que diriez-vous aux personnes et que diriez-vous à tout cela? Alors, moi, ce que je dirais, c'est que déjà, quand on fait soi-même, ça peut être dangereux. Parce que derrière, il y a des droits d'auteur. Il suffit que la personne se soit inspirée de tel ou tel logo, que ça ressemble beaucoup trop, ou même un tout petit peu, puis qu'après, il a des plaintes derrière. Même la typographie, hein, donc, c'est pareil. Il suffit qu'elle ressemble à une autre typographie. Il y a des droits d'auteur derrière, les photos, l'emplacement... Il y a des choses à savoir. Et puis après, quand on fait soi-même, il suffit qu'on veuille, par exemple, imprimer. Ça ne va pas donner la même chose, voire quelque chose de totalement différent. La couleur va être totalement fade. Mm-hmm. Et ça ne va pas du tout. Parce qu'après, si l'entreprise, elle envoie une image... elle risque d'envoyer une image, au final, négative. Mm-hmm. Négligée, même. D'accord. Et les clients, elle va pas attirer le client parce que les clients, ils vont avoir peur, ils vont se dire oula, l'entreprise là, elle est un peu bizarre, ou même elle est démodée, je vais pas aller là, moi je vais aller chez ceux qui voilà qui apprennent sans arrêt, enfin qui se renouvellent. Donc ils peuvent, au final, ils veulent garder leur argent, mais ils en perdent du fait qu'ils n'ont plus assez de clients, pas assez de clients pour faire fonctionner leur entreprise correctement. En plus, faire confiance à un ou une professionnelle, ça peut permettre d'éviter certaines erreurs coûteuses. Oui, c'est ça, ça peut permettre d'éviter de se retrouver peut-être même en prison. Ou de payer une forte amende aussi. Donc c'est l'avantage, oui, quand on fait appel à des professionnels, et puis derrière, comme ça, on est quitte aussi de le faire. On lui délègue le travail, on lui fait confiance, puis derrière, voilà, on a le travail qui est fait correctement. Parce qu'après, il faut savoir que plus le client il fait confiance au graphiste, plus ça ira vite et moins ça lui coûtera d'argent aussi. D'accord. Et donc, pour continuer et pour compléter, en fait, pour un exemple, moi j'ai travaillé pour une personne, un super pro, avec une belle ambition. Et en fait, il voulait utiliser un design quelconque pour un modèle, pour communiquer sur sa marque. Et au final, ce modèle-là, je l'ai invité à aller consulter l'INPI, donc qui est l'Institut National de la Protection Industrielle, qui protège tous les données, les logos, les designs, aussi les musiques, il me semble. Donc, au final, je l'ai emmené vers l'INPI parce qu'il voulait utiliser un design, en fait, assez connu. Et heureusement, l'INPI lui a dit qu'il pouvait le réutiliser parce que selon le droit d'auteur, on peut réutiliser un design ou une bande sonore 70 ans après la mort de l'auteur. À moins qu'il soit mort pour la France, et dans ce cas, on rajoute 30 ans. Donc, ce qui fait 100 ans après la mort de l'auteur. Et donc, c'est le cas aussi pour Le Petit Prince. Mm-hmm. Par exemple, on peut pas encore utiliser Le Petit Prince en soi, parce que c'est seulement, lui, il est mort pour la France, donc c'est seulement 100 ans après sa mort. Donc, c'est bientôt qu'on pourra utiliser ses œuvres. Mais voilà, pour un petit rappel, au niveau de la, on va dire, de la protection artistique, etc. C'est important de se renseigner auprès de l'INPI si on veut réutiliser une photo ou même un design qui peut être déjà déposé. Ça peut éviter des amendes même très très coûteuses qui peuvent vous mettre dans l'embarras et même faire couler une entreprise. Donc c'est pour ça que c'est important parfois d'investir au début dans un bon logo, une belle identité visuelle pour traduire au mieux l'impact et l'ADN de son entreprise. Et au final, on gagne du temps et on fidélise la clientèle parce que la clientèle se retrouve dans cette marque-là. Ok. Pardon. Donc, avant de poursuivre à nouveau, je vous propose une nouvelle fois de nous lancer dans une nouvelle fréquence et que nous écoutions un autre son que vous avez choisi, histoire de reprendre notre souffle, et que nous écoutions la chanson Le Pire de Gims, anciennement Maître Gims, chanson tirée de son album Ceinture Noire, sorti en 2018. Donc, on écoute Gims et on se retrouve juste après, d'ici à peu près 4 minutes. Comme si j'avais 10 ans, assombrir ma vision. Pourtant le soleil est présent, les gens qui font la morale avec une veste en vison. Ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison. La vie est un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons? Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tous semblant d'hésiter. Et quand les enfants trop pleuré. Et dis-moi ce qu'on a. obligé de plisser les yeux, rien à l'horizon. Je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans les ans. Ils vont me prendre au sérieux que si je m'asperge j'ai des sens. Ou peut-être que tout simplement je n'intéresse pas grand monde. Je suis peut-être une valeur marchande aux yeux de quelques passants. Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Du temps qui nous reste à vivre. Et le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Et le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Et le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants retour sur Radio Gemozo ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio partout en France, sur le 107FM localement. Nous sommes toujours en direct et vous venez d'écouter Gims avec son titre Le Pire. Nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Dylan et Chloé, graphiste et web designer. Ça va toujours ? Oui, très bien. Nickel. Alors, même question que pour la première fréquence. Cette fois, je crois que c'est toi, Chloé, qui l'a choisi, cette chanson. Oui, c'est moi, oui. Donc, pourquoi avoir choisi cette chanson en particulier ? Alors j'ai choisi cette chanson en particulier parce que en ce moment, donc malgré le Covid, il faut continuer donc à penser à notre magnifique planète et continuer à recycler, continuer à même utiliser donc des matériaux réutilisables, notamment les gourdes. Parce que voilà, enfin même pendant cette période-là, on a une super belle planète hein, quand même. C'est vrai. qui va pas très bien donc et en plus donc dans les Vosges désormais ce qui est super hein, depuis quelques temps c'est que maintenant on peut tout recycler donc vraiment à 100%. Donc voilà pour les gens qui ont des questions, il y a pas de problème, appelez le centre, mais vraiment tout est recyclable hein. Vous mangez un petit gâteau qui est emballé, eh ben vous pouvez mettre ce petit emballage en plastique au recyclage sans problème. D'accord. Et puis même, quand on regarde le clip de la chanson Le Pire, il est quand même assez impactant. Quand on voit tout ce qu'il montre dans le clip, ça fait réfléchir. Donc si nos auditrices, si certaines de nos auditrices et certains de nos auditeurs n'ont jamais vu le clip, allez le regarder après cette émission. Et parce que vraiment, ça vous pourrait vous faire réfléchir et ça pourrait vous amener à prendre des décisions autres que celles que vous pouvez prendre habituellement. Donc on va reprendre le fil de cette émission. Pour être graphiste ou web designer, je suppose qu'il ne faut pas seulement avoir des connaissances en graphisme et en web design, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, mais qu'il est également impératif d'avoir des connaissances en droit, des connaissances juridiques. Oui, bah oui, c'est important d'avoir toutes ces connaissances-là. Les connaissances juridiques et tout ça, bon, ça pourrait faire peur, c'est sûr, de connaître toutes ces connaissances juridiques. Mais au fur et à mesure, voilà, quand on fait le métier... Après, nous, on a la chance d'avoir des logiciels aussi pour ça. Hein. Nous, derrière, ce qui est bien, c'est que voilà, quand on a Adobe, la suite Adobe, on a toutes les typographies donc libres de droit, mais uniquement donc pour les professionnels. Quand un client fait appel à un graphiste, au moins derrière, bah, il a plus de sécurité. Il a de la sécurité, en fait. Oui, car comme on le disait tout à l'heure, il y a les droits d'auteur, même dans le milieu de la littérature, c'est pareil, les droits d'auteur, tu as les droits d'image, les droits de reproduction, donc tout ce qui est CSM, tout ça, bah, ça c'est surtout pour la musique, etc. Donc oui, c'est vrai que les droits, c'est important de connaître ce qu'on a le droit de faire et surtout ce qu'on n'a pas le droit de faire, au risque de se prendre une amende plutôt salée. Oui, donc en fait, faire appel, pour résumer, à des professionnels comme des graphistes, des web designers, c'est aussi, en fait, c'est un investissement, mais c'est aussi se protéger et éviter d'avoir des ennuis par la suite parce qu'on a utilisé un design, une image qu'il ne fallait pas. Et malheureusement, on peut avoir des problèmes. Donc je pense que, certes, c'est un investissement, mais bon, ça vaut le coup d'y réfléchir à deux fois avant de prendre une telle décision. C'est sûr, car si on se fait attraper, bah, ça pourrait coûter encore plus cher que le prix d'un graphiste ou d'un webdesigner. Mmh. D'ailleurs, nos auditrices et nos auditeurs se posent peut-être la question, alors qu'on en voit tous les jours, que nous passons devant tous les jours, ou presque, qu'est-ce qu'une identité visuelle ? Car c'est un petit peu abstrait pour les personnes qui ne s'y connaissent pas. L'identité visuelle, c'est même un peu comme tous les êtres humains. En fait, on a tous une identité, on a tous une différence... On a tous des capacités différentes. Et donc, comme par exemple, une entreprise donc, qui vend des comment dire, du bio, hein, des fruits et légumes bio, des produits bio, bah, c'est son identité déjà. Son identité, elle est différente parce qu'elle vend que du bio. D'accord. OK. Oui. Et oui, puis en fait... Donc, c'était quoi la question ? La question, c'était qu'est-ce que l'identité visuelle pour nos auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas forcément ce terme ? En fait, une identité visuelle, hein, comme l'a dit Chloé, c'est l'ADN de la marque, en fait. D'accord. Parce qu'on peut vendre des fruits bio, on peut vendre des voitures, mais il n'y a que la marque Porsche, il n'y a que la marque Volkswagen, etc., ou la marque Ferrari. Et en fait, c'est des voitures, ils ont tous un moteur plus ou moins puissant, une carrosserie et des roues. Mais ce qui va jouer aussi beaucoup, c'est le ton de communication qui va être utilisé. Qu'est-ce que je veux communiquer à travers Porsche, à travers Ferrari, etc. Et donc, c'est pour ça qu'une identité visuelle, ça retransmet tout ça. Par exemple, on sait que Porsche, c'est un écusson avec un cheval, c'est pour aussi révéler la puissance, hein, la puissance du cheval. Et donc, c'est pour ça qu'il faut traduire au mieux l'ADN de cette marque dans l'identité visuelle. Et en fait, l'identité visuelle, de base, c'est une image, donc un logo, un nom, mais derrière, il y a toute une symbolique. Et voilà ce qu'on appelle une identité visuelle, hein, dans le milieu du graphisme. Et c'est aussi tout ce qui est les couleurs utilisées pour la marque. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le logo ou pas? Parce que des fois, on peut le mettre en telle couleur et pas en autre. On peut le déformer ou pas le déformer. Ou on a peut-être différents formats, que ce soit sur portable ou sur ordinateur, comme je disais pour le logo Disney. Donc voilà. Donc en fait, l'identité visuelle, hein, ça regroupe un tout. Et lorsqu'on demande une identité visuelle, on va bénéficier ensuite d'une charte graphique qui regroupe toutes les données, en fait, du logo et de l'identité de marque, en fait. Et pour les êtres humains, comme tu disais, Chloé, on a tous une identité, on a tous une façon d'être. En fait, c'est du personal branding qu'on appelle ça. On a tous une identité de marque, et ce qui fait que aussi aujourd'hui, le personal branding, je vous invite à aller vous renseigner dessus, c'est votre marque personnelle. Et ça va être de plus en plus important à l'avenir, parce qu'aujourd'hui, pour trouver un travail, c'est pas toujours évident, etc. C'est vrai. Donc voilà, en fait, l'identité visuelle d'une entreprise et l'identité de marque d'un être humain est la même chose, quoi. En gros, voilà, c'est quelle valeur tu veux transmettre. Et quand on pense à Chris de Radio Game Ozo, quand on pense à Porsche ou machin, qu'est-ce que Chris transmet, qu'est-ce que Porsche transmet, etc. Donc c'est surtout ça. Ok. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas évident en y pensant rapidement comme ça, mais pourtant, c'est évident. Donc chaque entreprise, chaque institution, voire chaque association a besoin d'un graphiste et ou d'un web designer, que ce soit pour créer des visuels sur des tasses, des vêtements ou des enseignes de magasins. Donc, on a souvent tendance... Bah, déjà, vu que ce sont plutôt des métiers de l'ombre, les métiers de graphiste et web designer, on a souvent tendance à les oublier, mais pourtant, les graphistes et les web designers sont ils sont impératifs pour toutes ces associations, ces institutions, ces collectivités. Oui, il y en a toujours, il y en a depuis très très très longtemps, je ne sais plus les dates, il y en a depuis très longtemps des graphistes en fait. Hein. À part qu'avant, ça ressemblait pas, les affiches, ça ressemblait pas à celles qu'on voit aujourd'hui. Celles qu'on voit aujourd'hui, on doit tout de suite, plus on avance dans le temps, on va dire, plus l'identité, elle doit être reconnaissable très rapidement, en fait. Et là encore, aujourd'hui, hein, il y a énormément de graphistes qui continuent à travailler parce que toutes les entreprises ont besoin donc d'évoluer. Hein, il faut évoluer, il faut s'adapter hein, au fur et à mesure donc des années qui passent. Hein. Notamment aujourd'hui où toutes les entreprises sont même obligées, donc quasi obligées hein, de faire attention à la planète. Hein, Donc même là, les graphistes, ils sont menés à faire des nouvelles publicités. Quoi. Enfin, il faut réfléchir constamment à l'évolution de la vie, en fait. Ok. Et donc, en fait, oui, donc le graphisme et le web design, c'est des métiers longs, mais c'est des métiers qui sont importants pour beaucoup de choses, hein, comme on a déjà balayé tout au long de cette émission. Et en fait, le graphisme date de très loin. Hein, ça rappelle les hiéroglyphes, en fait, hein, avant des hommes de Cro-Magnon, etc. On s'inspire aussi de ça. Avant, tel hiéroglyphe présentait tel mot ou telle histoire, etc. Le graphisme, en fait, c'est un peu, on peut dire, l'homme de Cro-Magnon moderne. Hein. C'est un peu ça. D'ailleurs, d'après vous, pouvons-nous donc dire qu'avec l'arrivée et le quasi-monopole de nos jours des nouvelles technologies, le graphiste et le web designer deviennent absolument nécessaires, alors qu'ils sont pourtant, comme on le disait, considérés comme des métiers de l'ombre? Est-ce que le web designer et le graphiste aujourd'hui est indispensable? C'est ça la question? Oui. Moi, je pense que après personne n'est irremplaçable, mais on se complète. Quoi. Mais en fait, en soi, c'est indispensable quand même, hein, parce que aujourd'hui, il faut s'adapter aussi à tous les outils, que ça soit numérique, à faire la différence sur le marché sur lequel on est et on se positionne. Et donc, il y a des entrepreneurs qui vont être très bons en termes de textile pour une marque de vêtements ou en musicien, comme je pense à Johan Pienoël qui est passé lundi, hein, un très bon musicien. Après, la communication derrière, ça va se travailler. Et c'est pour ça que c'est indispensable, en fait, hein, le web design et le graphisme. C'est que tu peux être le plus talentueux du monde, mais malheureusement, si tu te fais pas connaître, si t'as pas cet impact sur le web ou sur ton logo, sur ton identité visuelle, personne va venir chez toi. Et d'ailleurs, au passage, je fais des bisous à Johan. Et voilà. D'accord. D'ailleurs, j'ai vu, en faisant mes recherches, des avis passés par-ci par-là. J'ai vu notamment un avis d'un illustrateur que j'ai déjà reçu il y a quelques semaines dans une précédente édition de Fréquence Libre, donc Arek Isanda, un avis d'un auteur, un témoignage d'une avocate entrepreneur et quelques autres. Donc j'imagine que de recevoir tous ces témoignages, c'est flatteur quelque part. Oui, c'est vrai que... Enfin, c'est super quand on a créé, par exemple, un logo et puis qu'on le retrouve. Moi, par exemple, j'ai créé un logo donc pour un jeune homme donc qui fait des vêtements pour les cyclistes. Et donc là il a imprimé ses logos sur les vêtements, donc ça fait plaisir hein, de voir le résultat en réel en fait hein. Puis c'est là qu'on se dit oh, j'ai fait du bon travail, ça, c'est très joli, ça rend bien. Et puis il est content derrière, il a encore dit il n'y a pas si longtemps que ça qu'il était super content de son logo, donc ça fait plaisir quoi. Moi je veux que derrière que son entreprise fonctionne. Hein. Bien sûr. Un graphiste c'est un peu comme votre ami quoi. Vous confiez vos craintes, vous confiez ce que vous voulez, vous confiez vos rêves de l'entreprise. Sans problème, voilà. Puis le graphiste, il va vous aider tout au long de votre carrière professionnelle. D'accord. Donc au final, oui, c'est vrai que c'est flatteur, parce qu'en soi, c'est, c'est notre vraie récompense. Hein. On demande à être payé pour un logo ou un site internet, mais le fait de le voir affiché sur un t-shirt, sur une marque de vêtements, ou de voir un projet décoller qui avait du sens, qui a du sens pour la personne en face, mais qui a aussi du sens parce que à travers cette personne, on vit aussi ce projet en quelque sorte, et il devient aussi notre projet parce qu'on va l'incarner hein, tout au long de la communication. C'est aussi notre rôle, savoir un peu mettre nos goûts aussi de côté. Et savoir aussi se mettre à la place de la personne, qu'est-ce qu'elle veut transmettre pour au final traduire au mieux son message. Et lorsqu'on a des commentaires comme ça, des personnes qui sont super contentes, et que derrière ben, on voit que leur entreprise fonctionne ou ça fait des ventes, etc. Et puis ils te remercient encore tous les jours, un petit message ou tu vois leur évolution à travers les réseaux sociaux, ben, c'est sûr qu'il y a une certaine fierté. D'ailleurs, Chloé, il me semble même qu'il y a quelques temps, tu as été contacté par la mission locale du pays de Remiremont et de ses vallées pour faire l'affiche Brame des Arts. Ah oui, oui. Oui, parce que c'est une... Oui, j'ai été contactée pour ça. En fait, c'est moi qui me suis portée volontaire. Hein, pour. Je leur en ai parlé. J'aurais dit, j'aimerais bien vous aider à faire la prochaine affiche. Puis résultat, oui, je l'ai faite. Donc voilà, elle était dans la rue. Donc ça fait plaisir de la voir dans la rue. Et puis... Parce que le Brame des Arts, c'est tous les artistes vosgiens qui viennent exposer donc leurs qualités artistiques pour se faire connaître. Et d'ailleurs, moi, j'ai participé d'ailleurs une fois à cet événement-là. Moi, j'ai exposé. J'étais pas encore graphiste à ce moment-là. J'exposais surtout mes qualités en tant qu'illustratrice, en fait. Ok, d'accord. Donc, il est 14h52. Avant de terminer, je vous propose de nous lancer à nouveau dans une nouvelle fréquence, une troisième et dernière fréquence, que vous avez choisie une nouvelle fois et que nous écoutions la célèbre chanson également intitulée « Les yeux de la mama » de Kenji Girac, chanson datant de 2015 et tirée de l'album « Ensemble » sorti à la fin de l'année 2015. Donc, est-ce que ça vous va qu'on écoute ça avant de terminer ? Oui, tout à fait. Oui, très bien. Alors, très bien. Alors, on s'écoute ça et on se retrouve d'ici un peu plus de 3 minutes pour la fin de cette émission. Quand j'ai froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle, elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. C'est son sang qui coule dans mes veines, et des souvenirs par centaines bercent mon cœur de mille étoiles. Elle est ma quête, elle est mon graal. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ce geste. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Je lui serai toujours fidèle. Quand je me blesse, elle est douceur, comme une caresse dans l'existence. Quand j'abandonne, elle devient lionne et me relève avec patience. Quand j'ai la folie des grandeurs, elle me ramène sans me faire mal. Elle m'apportera avec elle. Je lui serai toujours fidèle. chaque seconde, elle m'emportera avec elle. Je lui serai toujours fidèle. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous venez d'écouter Kenji Girac avec les yeux de la mama. Kenji Girac qui est d'ailleurs devenu papa pour la première fois au mois de janvier. Voilà. Donc, vous le saviez certainement déjà, mais j'avais envie de le rappeler au cas où. Du coup, vous êtes toujours en direct. Nous sommes toujours en direct. Il est 14h56. Et vous venez d'écouter Kenji Girac avec son titre Les yeux de la mama. Nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Dylan et Chloé, graphistes et webdesigners. Ça va toujours ? Très bien. Oui, très bien. Nickel. Donc, même question que précédemment, vous êtes habitué désormais. Pourquoi avoir choisi cette chanson, Les yeux de la mama de Kenji Girac ? J'ai choisi cette chanson parce que je trouvais qu'elle était très jolie. Et puis, elle montre à quel point les mamans sont très importantes, en fait. Puis c'est elles qui ont porté l'enfant, quoi. Tout avant simplement. D'être venu au monde, en fait. Et donc, au passage, un bisou à ma maman qui écoute en ce moment l'émission. Nickel. Du coup, rapidement, avant de conclure, vu qu'il est 14h57, je voulais dire quelques mots sur la création textile, ce qui me semble que vous bossez également, que vous travaillez également, soyons polis, sur la création textile. Oui, tout à fait. On a fait déjà donc la marque Caillot, que Chloé a évoqué plus tôt, qui est une marque de vêtements cyclistes haut de gamme. Là, j'ai un projet qui commence à aboutir, donc il va bientôt être lancé. Ça fait 4 ans qu'on travaille dessus. Pour l'instant, je peux pas trop en dire parce qu'il est pas encore lancé. Mais de toute façon, ça arrivera certainement aux oreilles de Radio Gemozo, et puis la radio sera heureuse d'interviewer cette personne qui a réalisé cette marque avec beaucoup de poésie et de symbolique. Et un autre projet personnel aussi avec Areki Sanda, donc qui a aussi passé à Radio Gemozo, donc je lui fais un petit salut au passage. On va essayer de créer une marque de vêtements, quelque chose, donc on en parlera aussi un peu plus quand on verra un peu plus clair sur ce projet, s'il est possible selon la demande du marché. On viendra faire une émission sur Radio Gemozo donc dans les mois qui vont venir certainement. Ok, nickel. Donc voilà, il est 14h58, est-ce que vous avez un dernier mot avant de conclure? Moi je voulais dire un petit coucou aux jeunes, à tous les jeunes sur cette planète. Je voulais vous dire, c'est hyper important de faire un métier que vous aimez. Un métier que vous aimez, battez-vous jusqu'au bout pour faire le métier que vous aimez. N'oubliez pas de vous informer avant de partir dans quelque chose. Voilà, enfin, je sais ce que je veux dire parce que voilà, quand on fait une formation et qu'on n'est pas reconnu au bout. C'est pareil, ça peut être embêtant, ça dépend ce que vous voulez faire plus tard, quoi. Ok. Renseignez-vous, voilà. Et pour terminer, donc moi je dirais, malgré la pandémie qui touche tout le monde aujourd'hui, donc restons vigilants, mais surtout ne laissez pas tomber vos projets, donc allez jusqu'au bout de vos projets, qu'ils soient entrepreneuriaux, qu'ils soient aussi en termes de relations, parce que ça vaut vraiment le coup de les vivre, et ça vous amènera une belle aventure et aussi des belles expériences. Donc ne lâchez rien, c'est pas parce qu'en ce moment c'est difficile, on finira par sortir de cette crise sanitaire, j'en suis certain, mais continuez vos objectifs, et de plus, ça passera encore plus vite comme ça. Voilà, c'est à peu près tout pour moi. Ok, donc les messages sont passés. Donc c'est donc ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je remercie une nouvelle fois Dylan et Chloé d'avoir accepté mon invitation. Donc cette émission sera rediffusée demain, jeudi à 18h, et le podcast sera disponible dans la journée, comme d'habitude, dans la journée de demain. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Gemozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. Quant à nous, nous nous retrouvons lundi à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai cette fois-ci Alexia Stark, qui viendra nous parler d'une nouvelle association qui a été ouverte il n'y a pas si longtemps que ça, Association Jeunesse. Enfin, des jeunes de Saint-Nabord, voilà. Et toujours lundi à 8h et 13h30 pour une nouvelle édition de L'Acre Histoire des auteurs, dans laquelle nous voyagerons au travers de la vie et de l'œuvre de la créatrice des personnages de Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley, entre autres, donc J.K. Rowling, qu'on a prononcé à l'anglaise. Et en attendant, je vous laisse en musique après générique avec Nina Simone et sa chanson Nobody Knows You When You're Down, When You're Down and Out. Voilà. Et donc voilà. Et du coup, en attendant, je vous laisse en musique, ça c'est dit, avant les Good News de l'IA à 17h30 et avant la rediffusion à 18h de l'édition de Fréquence Libre d'hier. Bah, du coup, non, vu qu'il n'y en a pas eu. Voilà. Donc, merci de votre fidélité à Radio Guémozo et je vous dis à lundi. Donc, salut et à lundi.